Bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Je voudrais que vous sachiez, mes bien-aimés, que plus on va vers le retour de notre bien-aimé Christ Jésus, plus Satan va utiliser plein de stratégies pour égarer le maximum de personnes. Le diable sait que l'heure est très avancée. Et il est en train de trembler. Il ne sait plus quoi faire. Donc, il va créer des stratégies dans sa ruse pour tromper le maximum de personnes. Bien-aimés, je vous dis franchement, frère, on n'a encore rien vu. Vous allez voir les conneries qui vont circuler et dehors et dans l'église dans ces temps de la fin. Parce que Satan est en train de créer... Il ne dort plus. Il ne dort plus. Il cherche par tous les moyens comment combattre l'œuvre de Jésus. Le diable sait que l'heure est très avancée et que Jésus-Christ va bientôt se manifester. Il le sait parce qu'il voit les signes des temps. Vous savez, il y a un faux enseignement qui circule. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, frère, tu enseignes au nom de Jésus. Mais je veux que tu comprennes que le nom de Jésus est un faux nom. Le nom de Jésus est un faux nom. Il ne faut plus enseigner par ce nom-là. J'ai été choqué. Vous savez, en 1900, je fais ce témoignage devant le Père, devant son Fils bien-aimé, devant le Saint-Esprit et devant les anges de notre Père. En 1988, j'ai failli mourir. Plusieurs années à l'hôpital, on m'a fait toutes sortes d'examens. On ne trouvait pas la maladie. C'est alors qu'on m'a amené chez un grand marabout. Vous connaissez l'histoire, j'ai déjà parlé de ça dans pas mal de vidéos. Pendant 2 ans, ce homme m'a fait des traitements à la maison. On allait dans la brousse la nuit, au bord des rivières. Il a invoqué les esprits, il a fait plein de trucs. Ma situation, bien-aimée, j'étais complètement KO, la peau sur les os. Quand je vois que la mort approche, mes parents sont tristes. Je me suis souvenu d'une parole de ma mère, alors que j'étais encore enfant. Maman disait, toute personne qui n'a pas été baptisée après sa mort va en enfer. Cette parole m'est revenue, c'est alors que je veux me lever pour commencer à chercher à aller vers les églises. Parce que moi, ce n'était pas mon truc. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur a mis devant moi un groupe de jeunes qui évangélisaient. Lorsqu'ils vont me parler de Jésus, après ils m'ont demandé, as-tu des questions? J'ai dit, je n'ai qu'une seule question. Dans votre église, il faut combien de temps pour avoir le baptême d'eau? Ils m'ont dit, non frère, Jésus a dit, celui qui croit. Il suffit de croire, parce qu'en ce moment, au niveau de l'église, il y a des personnes qui vont être baptisées, mais pour le moment, on est en train de leur enseigner c'est quoi un baptême. Donc, si tu veux, tu vas à l'église ce samedi, donner ton nom et tu vas suivre l'enseignement sur le baptême. Parce qu'après ça, il y aura un baptême. Je suis allé pour le baptême, parce que je voyais que le marabout zéro, l'hôpital n'a rien fait. Bien-aimé, le diable voulait me détruire d'une façon terrible. C'est-à-dire que j'avais du pied à la tête, comme si à l'intérieur de ma chair, il y avait plusieurs mains avec des aiguilles qui piquaient tout mon corps. Du pied à la tête, ça faisait comme ça, tchoc, tchoc, tchoc, comme si des aiguilles piquaient dans ma chair. Bien-aimé, j'ai souffert, qu'est-ce que ça faisait mal, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, dans tout le corps. L'hôpital n'a rien trouvé, le marabout n'a rien fait. Je m'en vais à l'église. Pour le baptême, je suis parti. À ma grande surprise, un évangéliste prêche. Et à la fin, il dit, vous êtes dans l'église. L'hôpital ne trouve pas votre maladie. Vous avez essayé de gauche à droite. Ce sont des maladies spirituelles. Ça vient de la sorcellerie. Si vous êtes dans ce cas, levez-vous. On était nombreux devant. Je n'étais pas seul. On est parti devant. Ce monsieur a prié. Il n'a pas imposé les mains à qui que ce soit. C'est lui qui s'est mis à genoux et il a prié Dieu. Je n'ai pas vu quelqu'un tomber en transe. Je n'ai pas vu quelqu'un bouger. Personne, ni moi. Et il a terminé de prier. Amen, amen. Il nous a dit, croyez à la parole. Parce que Dieu est vivant. Dieu confirme toujours sa parole. Si tu as la foi, Dieu t'a déjà guéri. Quand il a dit ça, je me suis dit, mais attends. Mais moi, je sens toujours des douleurs dans mon corps. Pourquoi il me dit, je suis déjà guéri alors que moi, je sens encore les douleurs? Et il a bien exhorté, soyez dans la foi, c'est par la foi que tu auras ton miracle. Je viens à la maison, sentant toujours des douleurs. Le lendemain, jusqu'à ce jour, de 1988 jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ m'a guéri. Cet homme a prié pour nous, au nom de Jésus. Bien-aimé, ne viens pas me dire que le nom de Jésus est un faux nom. Personne ne peut être guéri sur la base d'un faux nom. Les démons, lorsque, combien de fois, j'ai combien d'années de ministère, combien de fois les personnes sont venues devant moi. Bien aimé, j'ai des migraines. Moi, je prie pour les migraines. C'est un démon qui se manifeste. Je lui dis, au nom de Jésus, va-t'en. Le démon part. Je ne crois pas que les démons peuvent avoir peur d'un faux nom. Arrêtez d'enseigner le mensonge aux enfants de Dieu. Si le nom de Jésus était un faux nom, personne n'allait être guéri au nom de Jésus. Si vous êtes des agents du diable, restez dans votre coin. Ne venez pas enseigner le poison aux enfants de Dieu. Quand je me suis converti, je connais un bien-aimé. On s'est converti presque au même moment. Quand Jésus a touché son cœur, ce garçon, c'était un étudiant. Il était ceinture noire de karaté. Pendant qu'il faisait son karaté, Jésus l'a touché, on lui a prêché l'évangile, il a reçu Jésus. Et le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit. Oh là là, qu'est-ce qu'il manifestait de l'amour pour Jésus. Tu pouvais le voir de quartier en quartier, Bible à la main, en train de prêcher l'évangile. Il n'était que nouveau converti. Il avait la ceinture noire de karaté. Frère, il était nouveau converti, même pas 5 mois en Christ. Il te prêche l'évangile. Si toi tu dis, oh vos histoires de Jésus, là, Jésus c'est quoi? Tu ne termines même pas ta phrase. Tu saignes, tu es à terre. Il a dit, frère, Jésus m'a trouvé ceinture noire de karaté. Celui qui va parler mal de Jésus, je vais le casser la figure. Mais il était nouveau converti. Comprenez-le, il ne faut pas le juger. Il a dit, je ne peux pas accepter ça. Que personne n'accepte pas l'évangile, d'accord. Mais celui qui va chercher à dénigrer Jésus devant moi, dit, bien-aimé, j'ai la ceinture noire de karaté, je vais le tabasser. Ça nous faisait rigoler, on était tous nouveaux convertis. Et je vous dis qu'il a tabassé les gens. Il va dans un bar, il veut parler de Jésus. Oh, vos histoires, je dis, Dieu, tu ne termines pas ta phrase, tu es à terre. Il t'a foutu à terre. Il a dit, moi je vais bastonner quiconque parle mal de Jésus. Comprenez-le, il ne faut pas le juger. Il n'avait même pas encore 5 mois en Christ. C'était un nouveau converti. Il était encore charnel. Mais il y a quelqu'un qui a fait ça dans la Bible. Comme lui, Pierre, lorsqu'on vient arrêter Jésus. Pierre dit, non, il a pris l'épée. Pierre n'était pas le seul qui avait l'épée. Mais il a pris son épée, il a dit, non, moi je ne peux pas accepter qu'on touche à mon Seigneur. Il a pris son épée et il l'a utilisée. Jésus lui a dit, Pierre, c'est pas ça. Parce que si c'était dans ce genre de combat, moi j'allais seulement demander à mon Père de m'envoyer une légion d'anges. Donc, le combat n'est pas charnel. C'était un nouveau converti. Il dit, moi, Jésus m'a trouvé ceinture noire de karaté. Celui qui va parler mal de Jésus devant moi, je vais le tabasser. Donc, bien-aimé, toi qui me dis que le nom de Jésus est un faux nom, bien-aimé, c'est parce que je suis chrétien que je ne peux pas dire des conneries. Le nom qui m'a donné la vie, le nom qui m'a guéri, en mon nom, dit Jésus, imposez les mains aux malades. C'est grâce au nom de Jésus que j'ai été guéri depuis 1988 jusqu'à ce jour. Je vous en prie. Ne venez pas parler mal du nom de Jésus devant moi. Parce que c'est ce nom. J'ai la vie par ce nom. J'ai la guérison par ce nom. Gardez vos conneries pour vous. Si le nom de Jésus est faux, ne venez pas me le dire. C'est ce nom qui m'a guéri. Il ose me dire, frère, n'enseigne plus, c'est un faux nom. Il n'y a que Satan qui déteste le nom de Jésus. Lisez, écoutez les témoignages des personnes qui ont été sorciers dans la sorcellerie. J'ai un parent qui était un grand franc-maçon. Tous disent la même chose. Quand ils font des rituels dans le monde occulte, Satan interdit qu'on prononce le nom de Jésus. Satan ne veut pas qu'on parle de ce nom là où il est. Et vous voulez dire que c'est un faux nom. Vous croyez que Satan a peur d'un faux nom? Satan a peur d'un faux nom. Pourquoi quand on dit au nom de Jésus, les démons quittent un corps? Ah bon? Donc les démons ont peur d'un faux nom. Arrêtez d'enseigner des conneries aux gens. Je vais lire un passage biblique. Actes chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Celui qui vient d'être guéri là, c'est par le nom de Jésus que cet homme est guéri. Comme mon cas depuis 1988, c'est par le nom de Jésus. Si c'était un faux nom, je n'allais pas être guéri. Dieu ne guérit pas les gens sur la base d'un faux nom. Arrêtez vos bêtises. Si vous êtes des agents du diable, mais dans la maison de Dieu, il y a des vrais soldats de Christ qui seront sur la vérité. Pierre dit, c'est par le nom de Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. C'est par ce nom-là que cette personne a été guérie. Ah bon? Donc vous voulez dire que c'est un faux nom qui m'a guéri? Moi, je parle de mon cas. C'est une ruse du diable. Le diable déteste le nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont fait des pratiques occultes vous diront que lorsqu'ils vont dans le monde occulte, Satan ne veut pas qu'on prononce Jésus. Même dans des loges maçonniques, Satan ne veut pas qu'on prononce Jésus. Et vous, vous venez dire, c'est un faux nom. C'est Satan qui vous a mis ça dans la tête. Parce que Satan n'aime pas ce nom-là. Je vais lire dans Actes 4, au verset 17. Mais afin que, écoutez, ce que les pharisiens et autres diront aux disciples. Actes chapitre 4, au verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Il ne faut pas qu'ils prêchent, qu'ils parlent de ce nom-là. Les pharisiens ont dit, on vous libère, vous les disciples, mais tant pis pour vous si vous parlez encore au peuple de ce nom-là. Le diable n'aime pas ce nom-là. C'est ce que les pharisiens ont dit aux disciples. Vous pouvez prêcher, faites ce que vous voulez, mais n'enseignez pas au peuple, ne parlez pas au peuple de ce nom-là. On ne veut pas, c'est ce nom-là qu'on ne veut pas. Appelez ça d'autres noms, mais nous ne voulons pas que vous enseignez le peuple ce nom-là. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, le même diable, il pousse certaines personnes à venir dire, ce nom-là est mauvais, c'est un faux nom, ne l'utilisez plus. N'utilisez pas ce nom-là, c'est un faux nom. Prenez d'autres noms dans des loges occultes maçonniques, dans la franc-maçonnerie. Là, on utilise là-bas Adonai. Quand tu dis Adonai, là, il parle de Jésus parce que le nom, Satan interdit de prononcer Jésus dans les loges. Satan sait que le nom-là, c'est par ce nom-là qu'il a été vaincu. Il le sait. Et ici, les pharisiens disent aux disciples, tant pis pour vous, ils font des menaces. Si vous continuez à enseigner le peuple, ce nom-là, vous allez voir. Satan déteste le nom de Jésus. Bien-aimé. Je vais relire Acte 4, au verset 17. Mais afin que les choses ne se répandent pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Remarquez qu'ils ont mis le doigt que sur le nom. Ils ne disent pas, défendons-le d'enseigner la bonne nouvelle. Mais ils sont focalisés sur le nom. C'est le nom-là qui dérange. Ils font des menaces aux disciples. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais ce nom-là, ne parlez pas de ce nom-là. Au verset 13, et les ayant appelés, ils appellent les disciples. Ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils disent aux disciples, n'enseignez personne au nom de Jésus. Au verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est le nom de Jésus. Si je parle aujourd'hui, je ne parle pas du témoignage de quelqu'un d'autre. Je parle de mon expérience. On a prié pour moi au nom de Jésus. Et je suis guéri. La maladie est partie. Personne ne peut être guéri sur la base d'un faux nom. Parce que Jésus a dit, Satan ne combat pas Satan. Si le nom était faux, nous savons que c'est Satan le père du mensonge. Si Satan amène un faux nom, le faux nom ne va pas guérir les gens. Pierre a dit aux Juifs, c'est par le nom de Jésus que cet homme a été guéri. Au nom de Jésus. Et c'est par ce nom que moi aussi j'ai été guéri. Alors ne venez pas me dire que c'est un faux nom. Gardez ça pour vous. Je vais lire dans Matthieu au chapitre 5 au verset 17. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Seigneur, que toute la gloire te revienne. La loi, ce n'est pas pour nous sauver. Jésus est venu accomplir la loi pour nous. Et il nous a laissé son merveilleux nom. L'enfer tremble devant le nom de Jésus. L'enfer, les démons sautent par les fenêtres, ils font pipi debout devant le nom de Jésus. C'est la terreur quand ce nom est prononcé. Depuis le départ de Jésus jusqu'à ce jour, ce nom a fait des ravages dans le camp de l'ennemi. Satan déteste ce nom. Les pharisiens ont dit aux disciples, vous ne devez pas enseigner ce nom-là. Pierre dit, c'est ce nom-là qui a guéri ce malade. C'est pas nous, c'est le nom de Jésus. Je suis guéri, j'ai été guéri depuis 1988 par le nom de Jésus. Vous comprenez? Dans le cadre de mon ministère, il est arrivé que des gens viennent pour que je prie pour eux. Je vois des démons quitter les corps au nom de Jésus. Je vois des personnes guéries au nom de Jésus. Alors, le jour de ma mort, quand je serai devant le trône, Jésus est assis sur son trône. Je vais lui dire, bonjour, Seigneur Jésus. Bonjour. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu t'appelles Jésus, le Fils de Dieu. Parce que c'est ton nom qui m'a guéri. Je voudrais te remercier pour ça. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Le diable aujourd'hui, le Seigneur m'a ouvert les yeux, dit, moi j'ai demandé aux hommes d'annoncer la bonne nouvelle, mais remarque, ils annoncent la loi. Satan les pousse à annoncer la loi, alors que moi j'ai dit d'annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, le diable attaque le nom de Jésus. Non, ne l'appelez pas Jésus. Ne l'appelez pas Jésus. C'est le frère, il me fait un truc audio. Frère, ce nom-là, c'est un faux nom. Ah bon? Donc j'ai été guéri par un faux nom. Ça va pas. Le diable est rusé dans ces temps de la fin. Bien-aimés, soyez vigilants, lisez la Bible. N'acceptez pas les conneries. Jésus a dit d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus n'a pas dit annoncer la loi à toute la création. Il a dit la bonne nouvelle. Le nom de Jésus, les pharisiens, les juifs ont dit aux disciples dans Actes des Apôtres, vous pouvez tout enseigner, mais n'enseignez pas les gens de ce nom-là. On ne veut pas de ce nom-là. C'est le diable qui était derrière ces hommes. Et c'est le même diable aujourd'hui qui dit, ce nom-là est mauvais. C'est un faux nom. Satan veut, c'est un faux nom. Alors que dans des trucs occultes, il est interdit de prononcer le nom de Jésus là-bas. Mais si ce nom était faux, pourquoi Satan a peur de ce nom? Pourquoi Satan a peur de ce nom si c'était un faux nom? Si c'était un faux nom, nous savons tous que le faux, tout ce qui est faux, vient du diable. Est-ce que le diable peut avoir peur du nom que lui-même a donné? Si ce nom est faux, pourquoi le diable a peur de ce nom? Pourquoi quand on dit au nom de Jésus, les démons quittent les corps? Pourquoi quand on prie au nom de Jésus, il y a des guérisons? Si ce nom était un faux nom, arrêtez d'enseigner des histoires aux gens. Si Satan vous a roulé dans la farine, restez dans votre coin. Que Dieu vous bénisse.